Alexandre Dumas, le capitaine Pamphile. Troisième partie. Chapitre 6. Aussitôt après le dîner funéraire, qui finit sur les 7 ou 8 heures du soir, Jadin, dont le récit dans la précédente séance avait inspiré le plus vif intérêt, fut invité à le continuer. Mademoiselle Camargot, toute intéressante qu'elle était, n'avait pu, vu l'existence claustrale qu'elle avait menée pendant les 6 mois et 1 jour qu'elle avait habité l'atelier de Descamps, laissé de profonds souvenirs ni dans l'esprit ni dans le cœur des habitués. Thierry était celui de nous avec lequel elle avait eu le plus de relations. Encore, ces relations étaient-elles purement scientifiques? Il en résulta que les regrets causés par sa mort furent de courte durée, et effacé bientôt par l'immense avantage qu'en avait retiré la science. On comprendra donc facilement ce retour rapide à la curiosité que nous inspiraient les aventures de notre ami Jacques, racontées par un narrateur aussi fidèle, aussi consciencieux et aussi habile que Jadin, dont la réputation était déjà faite comme peintre par son beau tableau des vaches, et comme historien par son Histoire du prince Henri, ouvrage composé en collaboration avec M. Dauza, et qui, même avant sa publication, jouit déjà dans le monde de toute la réputation qu'il mérite. Jadin tira donc, sans se faire prier, son manuscrit de sa poche, et reprit l'histoire où il l'avait laissée. Le perroquet qu'avait acheté le capitaine Pamphile était un cacatois de la plus belle espèce, au corps blanc comme la neige, au bec noir comme l'ébène, et à la crête jaune comme du safran, crête qui se relevait ou s'abaissait selon qu'il était de bonne humeur ou de mauvaise humeur, et lui donnait tantôt l'air paterne d'un épicier coiffé de sa casquette, tantôt l'aspect formidable d'un garde national orné de son bonnet à poils. Outre ses avantages physiques, Katakoua avait une foule de talents, d'agréments. Il parlait également bien l'anglais, l'espagnol et le français, chantait le God Save the King comme Lord Wellington, le Pensativo Estaba el Cid comme Don Carlos, et la Marseillaise comme le général Lafayette. On comprend qu'avec de pareilles dispositions philologiques, il ne tarda point, tombé qu'il était entre les mains de l'équipage de la Roxelane, à étendre rapidement le cercle de ses connaissances. Si bien qu'à peine se trouva-t-on, au bout de 8 jours, en vue du Cap Sainte-Marie, qu'il commençait à jurer très proprement, en provençal, à la grande jubilation du capitaine Pamphile, qui, comme les anciens troubadours, ne parlait que la langue d'og. Aussi, quand le capitaine Pamphile avait passé, en se réveillant, l'inspection de son bâtiment, regardé si chaque homme était à son poste et chaque chose à sa place, lorsqu'il avait fait distribuer la ration d'eau-de-vie aux matelots et les coups de garcette aux mousses, donne la certitude d'avoir rempli ses devoirs, il allait à Katakoua, suivi de Jacques, qui grossissait à vue d'œil, et qui partageait avec son rival emplumé toute l'affection du capitaine Pamphile, et lui donnait sa leçon de provençal. Puis, s'il était content de son élève, il introduisait un morceau de sucre entre les barreaux de la cage, récompense à laquelle Katakoua paraissait très sensible, et dont Jacques se montrait fort jaloux. Aussi, dès qu'un incident imprévu attirait le capitaine Pamphile d'un autre côté, Jacques s'approchait de la cage et faisait si bien que le morceau de sucre changeait habituellement de destination, au grand désespoir de Katakoua, qui, la patte en l'air et la crête dressée, faisait alors retentir l'air de ses chants les plus formidables ou de ses jurons les plus terribles. Quant à Jacques, il restait d'un air innocent auprès de la prison où le volet faisait rage, fourrant, lorsqu'il n'avait pas le temps de le croquer dans les poches de ses joues, le corps du délit, qui fondait tout doucement, tandis qu'il se grattait le côté, clignait béatement. les yeux. Force qu'il était pour toute punition de boire son sucre au lieu de le manger. On comprend que cette atteinte à la propriété mobilière était des plus désagréables à Catacouas, et sitôt que le capitaine Banfield s'approchait de lui, il défilait tout son répertoire. Malheureusement, aucun de ses instituteurs ne lui avait appris à crier au voleur, de sorte que son maître prenait cette sortie qui n'était autre chose qu'une dénonciation en forme, pour le plaisir que lui causait sa présence. Et convaincu qu'il avait mangé son dessert, se contentait de lui gratter délicatement la tête, ce que Catacouas appréciait jusqu'à un certain point, mais infiniment moins cependant que le morceau de sucre en question. Catacouas comprit donc qu'il fallait qu'il s'en remît à lui seul du soin de sa vengeance. Et un jour, qu'après lui avoir volé le morceau, Jacques repassait la main à travers la cage pour en ramasser les miettes, Catacouas se laissa pendre par une patte, et tout en ayant l'air de s'occuper de gymnastique, attrapa le pouce de Jacques et le mordit outrageusement. Jacques jeta un cri perçant, s'accrocha au cordage, monta tant qu'il trouva du chanvre et du bois, puis s'arrêtant sur le point le plus élevé du navire, il restait là piteusement cramponné de ses trois pattes au mât, et secouant la quatrième comme s'il eût tenu un goupillon. À l'heure du dîner, le capitaine Pamphile siffla Jacques, mais Jacques ne répondit pas. Ce silence était si contraire à ses habitudes hygiéniques que le capitaine Pamphile commença à s'en inquiéter. Il siffla de rechef, et cette fois, il entendit une espèce de grondement qui semblait lui répondre des nuages. Il leva les yeux et aperçut Jacques, qui donnait la bénédiction urbi et orbi. Alors il s'établit entre Jacques et le capitaine Pamphile un échange de signaux, dont le résultat fut que Jacques refusait obstinément de descendre. Le capitaine Pamphile, qui avait formé son équipage à une obéissance passive, et qui ne voulait pas que ses mesures de discipline fussent faussées par un singe, prit son porte-voix et appela Double Bouche. L'individu interpellé apparut incontinent, montant à reculons l'échelle de la cuisine, et s'approcha du capitaine à peu près comme le chien qu'on dresse s'approche du garde qui le châtie. Le capitaine Pamphile, qui ne se prodiguait pas avec ses inférieurs, montra au mousse le récalcitrant qui grimaçait sur la pointe de son mattereau. Double Bouche comprit à l'instant même ce qu'on demandait de lui, s'accrocha à l'échelle qui conduisait au hauban, et se mit à grimper avec une agilité qui indiquait que le capitaine Pamphile, en honorant Double Bouche de cette mission hasardeuse, avait fait un choix des plus judicieux. Un autre point, mais qui reposait tout entier, je ne dirais pas sur l'étude du cœur, mais sur la connaissance de l'estomac, avait encore influencé la détermination du capitaine Pamphile. Double Bouche était spécialement employé à la cuisine, fonction honorable et appréciée de tout l'équipage, et notamment de Jacques, qui affectionnait surtout cette partie du bâtiment. Il s'était donc lié d'une amitié sympathique avec le nouveau personnage que nous venons d'introduire en scène, lequel devait le surnom expressif qui avait remplacé son appellation patronymique à la facilité que lui donnait son poste de dîner avant les autres, ce qui ne l'empêchait pas de dîner encore après les autres. Jacques avait donc compris Double Bouche, de même que Double Bouche avait compris Jacques. Et il résulta de cette appréciation mutuelle qu'au lieu de chercher à fuir, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si tout autre que Double Bouche lui eût été envoyé, Jacques fit la moitié du chemin, contraire, sur la barre du grand perroquet, et redescendirent immédiatement, l'un portant l'autre sur le pont où le capitaine Pamphile les attendait. Le capitaine Pamphile ne connaissait qu'un remède aux blessures, de quelque nature qu'elles fussent. C'était une compresse d'eau-de-vie, de tafia ou de rhum. Il trempa donc un linge dans le liquide précité et en enveloppa le doigt du blessé. Au contact de l'alcool et de la chair vive, Jacques commença par faire une grimace atroce. Mais comme il vit, pendant que le capitaine Pamphile avait le dos tourné, Double Bouche avalait vivement ce qui était resté du liquide dans le verre où l'on avait trempé le linge. Il comprit que la liqueur, douloureuse comme médicament, pouvait être bienfaisante comme boisson. En conséquence, il approcha la langue de l'appareil, lécha délicatement la compresse et peu à peu, prenant goût à la chose, finit tout bonnement par sucer son pouce. Il en résulta que, comme le capitaine Pamphile avait recommandé que l'on imbibât le bandage de 10 minutes en 10 minutes, et que l'on exécutait ponctuellement ses ordres, au bout de 2 heures, Jacques commençait à cligner les yeux et à dandoliner la tête, et que, comme le traitement allait toujours son train, et que Jacques appréciait de plus en plus le traitement, il finit par tomber ivre-mort entre les bras de son ami Double Bouche, qui descendit le blessé dans la cabine et le coucha sur son propre lit. Jacques dormit 12 heures de suite, et lorsqu'il se réveilla, la première chose qui frappa ses yeux fut son ami Double Bouche, occupé à plumer une poule. Ce spectacle n'était pas nouveau pour Jacques. Cependant, il parut cette fois y donner une attention singulière. Il se leva doucement, s'approcha les yeux fixes, examina le mécanisme à l'aide duquel le travailleur procédait, et demeura immobile et préoccupé pendant tout le temps que dura l'opération. La poule plumée, Jacques, qui se sentait la tête encore un peu lourde, monta sur le pont afin de prendre l'air. Le vent continuait d'être favorable le lendemain, de sorte que le capitaine Pamphile, voyant que tout marchait au gré de ses vœux, et jugeant inutile de transporter à Marseille les poules qui restaient à bord et qui n'avaient point d'ailleurs acheté dans un but de spéculation, donna ordre, sous prétexte que sa santé commençait à se déranger, qu'on lui servît tous les jours, outre sa tranche d'hippopotame et sa bouillabaisse, une volaille fraîche, bouillie ou rôtie. 5 minutes après ces ordres donnés, les cris d'un canard que l'on égorgeait se firent entendre. À ce bruit, Jacques descendit de la grande vergue si rapidement que quelqu'un qui aurait moins connu son caractère égoïste aurait cru qu'il courait au secours de la victime, et se précipita dans sa cabine. Il y trouva Double Bouche, qui remplissait consciencieusement son office de marmiton, en plumant la volaille jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus le moindre duvet sur le corps. Cette fois comme l'autre, Jacques parut prendre le plus grand intérêt à la chose, puis il remonta sur le pont lorsqu'elle fut finie, s'approcha pour la première fois depuis son accident de la cage de Catacroix, tourna plusieurs fois autour de lui, tout en ayant soin de se tenir hors de la portée de son bec. Puis enfin, saisissant le moment favorable, il attrapa une plume de sa queue et la tira tant et si bien, malgré les battements d'ailes et les jurements de Catacroix, qu'elle finit par lui rester dans les mains. Cette expérience, si peu importante qu'elle parut au premier abord, sembla cependant faire grand plaisir à Jacques, car il se mit à danser sur ses 4 pieds. S'élevant et retombant sur la même place, ce qui était de sa part la manifestation du plus suprême contentement. Cependant, on avait perdu la terre de vue, et l'on voguait à pleine voile dans l'océan Atlantique. Partout, le ciel et l'eau, et derrière l'horizon, le sentiment de l'immensité. De temps en temps, des oiseaux de mer au long vol, mais cela seulement, passait à perte de vue, se rendant d'un continent à l'autre. Aussi le capitaine Pamphile, se fiant à l'instinct animal qui devait apprendre à Catacroix que ses ailes étaient trop faibles pour se hasarder dans un long voyage, ouvrit-il la prison de son pensionnaire et lui donna-t-il liberté entière de voltiger dans les cordages. Catacroix en profita aussitôt pour monter jusqu'au mât de perroquet, et arrivé là, joyeux jusqu'au ravissement, il se mit à la grande satisfaction de l'équipage à défiler tout son répertoire, faisant autant de bruit à lui tout seul que les 25 matelots qui le regardaient. Pendant que cette parade se passait sur le pont, Une scène d'un autre genre s'accomplissait dans la cabine. Jacques, selon son habitude, s'était approché de double bouche au moment de la plumaison. Et cette fois, le mousse, qui avait remarqué l'attention de son camarade à le regarder faire, avait cru reconnaître en lui une vocation inconnue jusqu'alors pour l'office qu'il exerçait. Il en résulta qu'une pensée des plus heureuses vint à l'esprit de double bouche. C'était d'employer désormais Jacques à plumer ses poules et ses canards, tandis que, changeant de rôle, lui se croiserait les bras et le regarderait faire. Double bouche était un de ces esprits décidés qui mettent le moins d'intervalle possible entre l'idée et l'exécution. Aussi s'avança-t-il doucement vers la porte qu'il ferma. Se munit-il à tout hasard d'un fouet qu'il passa dans la ceinture de sa culotte, en ayant soin d'en laisser le manche parfaitement visible, et revenant immédiatement à Jacques, lui mit-il entre les mains le canard qui devait se déplumer dans les siennes, lui montrant du bout de l'index le manche du fouet qu'il comptait, en cas de discussion, prendre pour tiers arbitre. Mais Jacques ne lui donna même pas la peine de recourir à cette extrémité, soit que double bouche eût deviné juste, soit que le nouveau talent qu'il mettait Jacques à même d'acquérir parut à ce dernier le complément obligé de toute éducation. Il prit le canard entre ses deux genoux, comme il avait vu faire à son instituteur, et il se mit à la besogne avec une ardeur qui dispensa double bouche de toute voix de fête envers lui. Vers la fin même, et lorsqu'il vit que les plumes disparaissaient, faisant place au duvet et le duvet à la chair, le sentiment qui l'animait s'éleva jusqu'à l'enthousiasme, si bien que, lorsque la besogne fut entièrement terminée, Jacques se mit à danser, comme il avait fait la veille à côté de la cage de Katakoua. De son côté, double bouche était dans la joie. Il ne se faisait qu'un reproche, c'était de ne pas avoir profité plutôt des dispositions de son acolyte. Mais il se promit bien de ne pas les laisser refroidir. Aussi, le lendemain, à la même heure, dans les mêmes circonstances et les mêmes précautions, il recommença la seconde représentation de la pièce de la veille. Elle eut le même succès que la première, de sorte que le troisième jour, double bouche, reconnaissant Jacques comme son égal, lui noua son tablier de cuisine à la ceinture et lui confia entièrement la partie des dindons, des poules et des canards. Jacques se montra digne de sa confiance et, au bout d'une semaine, il avait laissé son professeur bien loin derrière lui, en promptitude et en habileté. Cependant, le brick marchait comme un navire enchanté. Il avait dépassé la terre natale de Jacques, laissé à sa gauche et hors de vue les îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension, et s'avançait à pleine voile sur l'équateur. C'était pendant une de ces journées des tropiques où le ciel pèse sur la terre. Le pilote seul était à la barre, la vigie dans les haubans, et Katakoua sur son mattereau. Quant au reste de l'équipage, il cherchait le frais partout où il croyait pouvoir le trouver, tandis que le capitaine Pamphile lui-même, étendu dans son hamac, et fumant son gourgouri, se faisait éventer par double bouche avec une queue de paon. Cette fois, par extraordinaire, Jacques, au lieu de plumer sa poule, l'avait reposée intacte sur une chaise, s'était dépouillé de son tablier de cuisine, et paraissait comme tout le monde, ou accablé par la chaleur, ou perdu dans ses réflexions. Cependant, cette atonie fut de courte durée. Il jeta autour de lui un regard rapide et intelligent. Puis, comme effrayé de sa hardiesse, il ramassa une plume, la porta à sa gueule, la laissa retomber avec indifférence, se gratta le côté en clignant de l'œil. Et d'un bond, où l'observateur le plus méticuleux n'aurait pu voir que l'effet d'un caprice, il sauta sur le premier bâton de l'échelle. Là, il s'arrêta encore un instant, regardant le soleil par les écoutilles, puis il se mit à monter nonchalamment sur le pont, comme un flâneur qui ne sait que faire et qui s'en va cherchant des distractions sur le boulevard des Italiens. Arrivé au dernier échelon, Jacques vit le pont abandonné. On eût dit un navire vide qui flottait au hasard. Cette solitude parut satisfaire Jacques au dernier degré. Il se gratta le côté, fit claquer ses dents, cligna des yeux et exécuta deux petits sauts perpendiculaires, tout en ayant soin de chercher des yeux catacouas, qu'il aperçut enfin à sa place accoutumée, battant des ailes et chantant à plein bec le « God save the King ». Alors Jacques parut ne plus s'occuper de lui. Il monta sur les bastingages les plus éloignés du mât d'Artimon, au haut duquel son ennemi était perché, gagna les vergues, s'arrêta un instant dans les huniers, grimpa au mât de misaine, se hasarda sur le cordage isolé qui conduit au mât d'Artimon. Arrivé au milieu de ce chemin tremblant, il se suspendit par la queue, lâcha les quatre pattes et se balança la tête en bas, comme s'il ne fût venu que pour jouer à l'escarpolette. Puis, convaincu que Catacoua ne faisait aucune attention à lui, il s'en approcha doucement, tout en ayant l'air de penser à autre chose, et au moment où son rival était au plus fort de sa chanson et de sa joie, criant à tue-tête et battant l'air de ses bras emplumés, comme un cocher qui se réchauffe, Jacques interrompit son ariette et sa jubilation en le saisissant vigoureusement de la main gauche par l'endroit où les ailes s'attachent au corps. Catacoua jeta un cri de détresse, mais personne n'y fit attention, tant l'équipage entier était accablé par la chaleur étouffante que versait à flot le soleil à son zénith. « Trondelet ! » fit tout à coup le capitaine Pamphile. « En voilà de phénomène, de la neige sous l'équateur !»« Et non, dit Doublebouche, ça n'est pas de la neige, c'est à bagasse !» Et il s'élança vers l'escalier. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? » dit le capitaine Pamphile, se soulevant dans son hamac. « Ce que c'est ? » cria Doublebouche du haut de son échelle. « C'est Jacques qui plume Catacoua. » Le capitaine Pamphile fit retentir les échos de son bâtiment d'un des plus magnifiques jurons qui aient jamais été entendus sous l'équateur, et monta lui aussi sur le pont, tandis que tout l'équipage, réveillé en sursaut comme par l'explosion de la Sainte-Barbe, grimpait à son tour par tout ce que la carcasse du brick présentait d'ouverture. « Eh bien, drôle !» cria le capitaine Pamphile, saisissant un épissoir et s'adressant à Doublebouche. « Qu'est-ce que tu fais donc ? Alerte ! Alerte !» Doublebouche s'accrocha au cordage et grimpa comme un écureuil. Mais plus il mettait de promptitude, plus Jacques mettait d'activité. Les plumes de Catacoua formaient un véritable nuage et tombaient comme la neige au mois de décembre. De son côté, Catacoua, en voyant s'approcher Doublebouche, redoubla de cris. Mais au moment où son sauveur étendait les bras vers lui, Jacques, qui n'avait paru faire aucune attention jusqu'alors à ce qui se passait sur le navire, jugea que sa besogne habituelle était suffisamment faite, et lâcha son ennemi, auquel il ne restait plus que les plumes des ailes. Catacoua, troublé au plus haut degré par la douleur et par la crainte, oublia que le contrepoids de sa queue lui manquait, voleta d'un instant d'une manière grotesque et finit par tomber à la mer, où il se noya, n'ayant point les pieds palmés. « Flers, dit Descamps, interrompant le lecteur, toi qui as une belle voix, crie donc à la petite fille de la portière de nous monter de la crème, nous n'en avons plus. » Chapitre 7. Flers ouvrit la porte et s'avança sur l'escalier, afin de réclamer la chose demandée, puis il rentra sans s'apercevoir que Tom, qui l'avait suivi, était resté dehors. Alors Jadin, qui s'était interrompu à la mort de Catacoua, fut prié de continuer sa lecture. « Ici, messieurs, dit-il en montrant le manuscrit terminé, la simple narration va se substituer aux mémoires écrits, en raison du peu d'importance des événements qu'il nous reste à raconter. L'offrande faite par Jacques au dieu de la mer les rendit favorables au bâtiment du capitaine Pamphile, de sorte que le reste de la traversée s'accomplit sans autres aventures que celles que nous avons rapportées. Un seul jour, on craignit un accident funeste pour Jacques. Voici à quelle occasion. Le capitaine Pamphile, en passant à la hauteur du cap des Palmes, en vue de la Guinée supérieure, avait attrapé dans sa chambre un magnifique papillon, véritable fleur volante des tropiques, aux ailes diaprées et étincelantes comme la gorge d'un colibri. Le capitaine, ainsi que nous l'avons vu, ne négligeait rien de ce qui pouvait avoir une valeur quelconque à son retour en Europe. En conséquence, il avait pris son hôte imprudent avec les plus grandes précautions, afin de ne point miroiter le velours de ses ailes, et l'avait cloué avec une épingle contre le lambris de l'appartement. Il n'y a pas un de vous qui n'ait vu l'agonie d'un papillon, et qui, entraîné par le désir de conserver dans une boîte ou sous un verre ce gracieux enfant de l'été, n'ait étouffé sous ce désir la sensibilité de son cœur. Vous savez donc combien de temps lutte, en tournant sur le pivot qui lui traverse le corps, la pauvre victime qui meurt de sa beauté. Le papillon du capitaine Pamphile vécut ainsi plusieurs jours, battant des ailes comme s'il eût sucé le suc d'une fleur. Ce mouvement attira l'attention de Jacques, qui le regarda du coin de l'œil, sans faire semblant de rien voir, mais qui, profitant d'un moment où le capitaine Pamphile avait le dos tourné, sauta contre la boiserie et, jugeant de la bonté de l'animal par l'excellence de ses couleurs, le dévora avec sa gloutonnerie accoutumée. Le capitaine Pamphile se retourna au bord et au culbute que faisait Jacques. En avalant le papillon, il avait avalé l'épingle. L'arête de cuivre lui était demeurée dans la gorge. Le malheureux étranglait. Le capitaine, qui ne connaissait point la cause de ses grimaces et de ses contorsions, le crut en gaieté et s'amusa un instant de sa folie. Mais voyant qu'elle se prolongeait indéfiniment, que la voix du sauveur imitait de plus en plus l'accent de Polichinelle, et qu'au lieu de sucer son pouce comme il avait coutume de le faire depuis son traitement, il se fourrait jusqu'au coude la main dans le gosier, il se douta qu'il y avait dans toutes ces gambades quelque chose de plus pressant que le désir de lui être agréable, et alla vers Jacques. Le pauvre diable roulait des yeux, qui ne laissaient aucun doute sur la nature des sensations qu'il éprouvait, de sorte que le capitaine Pamphile, voyant que décidément son singe bien-aimé allait passer de vie à trépas, appela le docteur de toute la force de ses poumons. Non qu'il crût beaucoup à la médecine, mais afin de n'avoir rien à se reprocher. La voix du capitaine Pamphile avait pris, en raison de l'intérêt qu'il portait à Jacques, un tel caractère de détresse, que non seulement le docteur, mais encore tous ceux qui l'entendirent, accoururent aussitôt. Parmi les plus empressés se trouva Double Bouche, qui, occupé de ses fonctions habituelles, en avait été tiré par l'appel du capitaine et était accouru tenant à la main un poireau et une carotte qu'il était en train d'éplucher. Le capitaine n'eut pas besoin d'expliquer la cause de ses cris. Il n'eut qu'à montrer Jacques, et qui continua de donner au milieu de la chambre les mêmes signes d'agitation et de douleur. Chacun s'empressa autour du malade. Le docteur déclara qu'il était atteint d'une congestion cérébrale, maladie à laquelle était particulièrement fort sujette l'espèce des calitriches, qui, ayant pris l'habitude de se suspendre par la queue, est naturellement exposé à ce que le sang lui porte à la tête. Qu'il fallait en conséquence saigner Jacques sans retard, mais que dans tous les cas, comme il n'avait pas été appelé dès les premiers symptômes de l'accident, il ne répondait pas de le sauver. Après ce préambule, il tira sa trousse, apprêta sa lancette et recommanda à double bouche de maintenir le patient afin qu'il ne lui ouvrît pas une artère au lieu d'une veine. Le capitaine et l'équipage avaient grande confiance dans le docteur. Aussi écoutèrent-ils avec un profond respect la dissertation scientifique dont nous avons rapporté le principal argument. Il n'y eut que double bouche, qui secoua la tête en signe de doute. Double bouche avait une vieille haine contre le docteur. Un jour que des prunes confites, dont le capitaine Pamphile faisait le plus grand cas, attendu qu'elles lui venaient de son épouse, un jour donc que ces prunes, renfermées dans une armoire particulière, avaient visiblement diminué de nombre, il avait rassemblé son équipage pour connaître les voleurs capables de porter la dent sur les provisions particulières du chef suprême de la Roxelane. Chacun avait nié, et double bouche, comme les autres. Cependant, comme il était coutumier du fait, le capitaine avait pris sa dénégation pour ce qu'elle valait, et avait demandé au docteur s'il n'y avait pas quelque moyen d'arriver à la vérité. Le docteur, dont la devise était celle de Jean-Jacques, « Vitam impedere vero », avait répondu que rien n'était plus facile, et qu'il y avait pour cela deux moyens infaillibles. Le premier, et le plus prompt, était d'ouvrir le ventre à double bouche, opération qui pouvait se faire en 7 secondes. Le second était de lui donner un vomitif qui, selon son degré de force, entraînerait un délai plus ou moins long, mais qui, dans tous les cas, ne dépasserait pas 1 heure. Le capitaine Pamphile, qui était l'homme des moyens doux, opta pour le vomitif. Sa médecine fut d'immédiatement et de force administrée. Puis le délinquant remit aux mains des deux matelots, qui eurent ordre précis de le garder à vue. 39 minutes après, montre en main, le docteur entra avec 5 noyaux de prune que, pour plus grande sûreté, double bouche avait cru devoir avaler avec le reste, et qu'il venait de restituer à son corps défendant. L'épreuve du délit était palpable, double bouche ayant positivement déclaré n'avoir mangé depuis 8 jours que des bananes et des figues d'Inde. Aussi, la punition ne se fit pas attendre. Le coupable fut condamné à 15 jours de pain et d'eau, puis, après chaque repas, à recevoir à titre de dessert 25 coups de garcette qui lui furent administrés régulièrement par le contremaître. Il était résulté de ce petit événement que double bouche, comme nous l'avons dit, détestait cordialement le docteur et ne laissait jamais depuis cette époque échapper une occasion de lui être désagréable. Aussi double bouche fut-il le seul qui ne crut pas un mot de ce que disait le docteur. Il y avait dans la maladie de Jacques des symptômes que double bouche connaissait parfaitement, pour les avoir éprouvés lui-même, lorsqu'il lui était arrivé, surpris au moment où il goûtait à la bouillabaisse du capitaine, d'avaler le morceau de poisson, sans prendre le temps d'en extraire les arêtes. Ses yeux se portèrent donc instinctivement autour de lui pour chercher par analogie ce qui avait pu tenter la gourmandise de Jacques. Le papillon et l'épingle avaient disparu. Il n'en fallut pas davantage à double bouche pour lui révéler la vérité tout entière. Jacques avait le papillon dans le ventre et l'épingle dans le gosier. Aussi, lorsque le docteur, la lancette à la main, s'approcha de Jacques, que que Double Bouche tenait entre ses bras, celui-ci déclara-t-il, à la grande stupéfaction et au grand scandale du capitaine et de l'équipage, que le docteur s'était trompé, que Jacques n'était pas le moins du monde menacé d'apoplexie, mais bien de strangulation, et qu'il n'avait pas pour le moment le moindre épanchement au cerveau, mais une épingle qui lui barrait l'œsophage. En achevant ces paroles, Double Bouche, employant pour Jacques le remède qu'il pratiquait ordinairement en pareilles circonstances sur lui-même, lui enfonça à plusieurs reprises dans le gosier le poireau qu'il tenait par hasard à la main lorsqu'il était accouru au cri du capitaine, de manière à faire glisser vers des voies plus larges le corps étranger qui était resté dans les voies étroites. Puis, certain que l'opération avait réussi à son honneur, il posa au milieu de la chambre le moribond, qui, au lieu de continuer les gambades exagérées auxquelles tout l'équipage l'avait vu se livrer 5 minutes auparavant, resta assis un instant, dans une tranquillité parfaite, comme pour s'assurer que la douleur était bien disparue. Puis cligna des yeux, puis se mit à se gratter le ventre d'une main, puis à danser sur ses pattes de derrière. Ce qui était, comme vous le savez, le signe chez Jacques du parfait contentement. Mais ce n'était pas tout encore. Double Bouche, pour porter le dernier coup à la réputation du docteur, tendit au convalescent la carotte qu'il avait apportée, de sorte que Jacques, qui était on ne peut plus friand de ce légume, s'en empara immédiatement et donna la preuve, en le grignotant sans retard et sans interruption, que les voies nutritives étaient parfaitement débarrassées et ne demandaient pas mieux que de reprendre leur service. L'opérateur était triomphant. Quant au docteur, il se promit de prendre sa revanche si Double Bouche tombait malade. Et pendant le reste de la route, Double Bouche n'eut malheureusement, à la hauteur des Açores, qu'une petite indigestion qu'il traita lui-même à la manière des anciens Romains, en s'introduisant les doigts dans la bouche. Le brick La Roxelane, capitaine Pamphile, après une heureuse traversée, arriva donc le 30 septembre dans le port de Marseille, où il se défit avantageusement du café, du thé et des épiceries qu'il avait échangées dans l'archipel indien avec le capitaine Cao Xiukan. Quant à Jacques Ier, il fut vendu pour la somme de 75 francs à Eugène Isabey, qui le céda pour une pipe turque à Aflers, qui le troqua contre un fusil grec avec des camps. Et voilà comment Jacques passa des bords de la rivière Bengo à la rue du Faubourg Saint-Denis, numéro 109, où son éducation acquit, grâce aux soins paternels de Faux, le degré de perfection que vous lui connaissez. Jadin s'inclinait modestement au milieu des applaudissements de l'assemblée lorsqu'un grand cri se fit entendre du côté de la porte. Nous nous précipitâmes vers l'escalier, et nous trouvâmes la petite fille de la portière à moitié évanouie entre les bras de Tom, qui, effrayé de notre sortie inattendue, se mit à descendre l'escalier au galop. Au même instant, nous entendîmes un second cri plus perçant encore que le premier. Une vieille marquise qui demeurait depuis 35 ans au troisième étage, attirée par le bruit, était sortie, son bougeoir à la main, s'était trouvé face à face avec le fugitif et s'était évanoui tout à fait. Tom remonta 15 marches, trouva la porte du quatrième ouverte, entra comme chez lui et tomba au milieu d'un repas de noces. Pour le coup, ce furent des hurlements. Les convives, mariés en tête, se précipitèrent sur l'escalier. Toute la maison de la cave aux mansardes se trouva en un instant échelonné de palier en palier, chacun parlant à la fois, et comme il arrive en pareille circonstance, personne ne s'entendant plus. Enfin, on remonta à la source. La petite fille, qui avait donné l'alarme, raconta qu'elle grimpait sans lumière. La crème demandée à la main, lorsqu'elle s'était sentie prendre la taille, croyant que c'était quelque locataire impertinent qui se permettait cette familiarité, elle avait riposté à la déclaration par un vigoureux soufflet. Tom avait répondu au soufflet par un grognement qui avait révélé à l'instant même son incognito. La petite fille épouvantée de se trouver dans les griffes d'un ours, quand elle se croyait saisie par les bras d'un homme, avait jeté le cri qui nous avait fait sortir. Notre sortie, comme nous l'avons dit, avait effrayé Tom. Et l'effroi de Tom avait amené les événements subséquents, c'est-à-dire l'évanouissement de la marquise et la déroute de la noce. Alexandre Descamps, qui était plus particulièrement lié avec lui, se chargea de l'excuser auprès de la société. Et comme preuve de sa sociabilité, il offrit d'aller chercher Tom partout où il serait et de le ramener comme Sainte Marthe avait ramené la Tarasque, avec une simple faveur bleue ou rose. Un petit drôle de 12 à 15 ans s'avança alors et lui présenta la jarretière de la mariée qu'il venait de prendre sous la table pour en décorer les convives lorsque l'alerte avait été donnée. Alexandre prit le ruban, entra dans la salle à manger et trouva Tom, qui se promenait avec une adresse merveilleuse sur la table toute servie. Il en était à son troisième baba. Ce nouveau délit le perdit. Le marié avait malheureusement les mêmes goûts que Tom. Il fit appel aux amateurs de baba. De violents murmures s'élevèrent aussitôt, que ne put calmer la docilité avec laquelle le pauvre Tom suivit Alexandre. À la porte, il rencontra le propriétaire, à qui la marquise venait de signifier qu'elle donnait congé. Le marié, de son côté, déclara qu'il ne resterait pas un quart d'heure de plus dans la maison si on ne lui faisait pas justice. Le reste des locataires fit chorus. Le propriétaire pâlit en voyant d'avance sa maison vide. Il signifia en conséquence à Descamps que, quel que fût son désir de le garder chez lui, cela devenait impossible s'il ne se défaisait immédiatement d'un animal qui donnait, à une pareille heure et dans une maison honnête, d'aussi graves sujets de scandale. De son côté, Descamps, qui commençait à se dégoûter de Tom, ne fit de résistance que juste ce qu'il en fallait pour qu'on lui sût gré de céder. Il engagea sa parole d'honneur que le lendemain, Tom quitterait le logement, et pour rassurer les locataires qui demandaient que l'expropriation se fît à l'heure même, déclarant que, s'il y avait retard, il ne coucherait pas chez eux, il descendit dans la cour, fit bon gré mal gré, entrait Tom dans une niche à chien, tourna l'ouverture contre une muraille et chargea la niche de pavés. Cette promesse qui venait de recevoir un commencement d'exécution aussi éclatant parut suffisante au plaignant. La petite fille de la portière essuya ses larmes. La marquise s'en tint à sa troisième attaque de nerfs, et le marié déclara magnanimement qu'à défaut de baba, il mangerait de la brioche. Chacun rentra chez soi, et 2 heures après, la tranquillité se trouva parfaitement rétabli. Quant à Tom, il essaya d'abord, comme Encelade, de se débarrasser de la montagne qui pesait sur lui. Mais voyant qu'il ne pouvait y réussir, il fit un trou au mur et passa dans le jardin de la maison voisine.